disque. Comme ti cigarette moi, ti allumette moi, c'est où qui pour moi. Comme ti cigarette moi, ti allumette moi, c'est où qui pour moi. Bwene sa kon sou bate ni nom kat Kase kofè bon to fè lomba da lomba Chat kout basè kout goun Sou kwe sa klop klop klop klop Ou I ba ni kobine pi person Bez pa fè touche tout goun a sav sa sav sa Mwede ye do yel a karton De glason zon tope ka fè salsa Las veye nou le nou an chepe ya On san balek e sa se pa di bijodi ya La ni fam gade pou kase vizi ya Arete veye la vilot la Murder Fes moun a bombe bombe Baby, bubble bubble kriye le pompier I so fresh, I so bon ko bombe Vodou a li menm ka tremble Woman Ti cigarette mwen Ma fon ke la la ka veye bet mwen Ma ko ka tion sa pa ka aten mwen Woman Ti cigarette mwen Ma fon ke la la ka veye bet mwen Ma ko ka tion sa pa ka aten mwen Leave it up baby girl, leave it up That's all queen bad girl Shelly-yen Shake it up baby girl, shake it up That's all queen bad girl Shelly-yen Chata ti zepe ya Fè yo pale di nou kon adome di ya Honey bwene go bwene fè sou holiday bi ya Holiday bi ya fam de se bili ya Sip sa po abab gade ki jan yo kabe se ba Ba, ba Avec les copines c'est caca par terre Ba, ba, ba J'aime quand tu wen comme ça baby donne moi ça Fam ta la se high kick I don't get Mwen eme wè yo lè yo bien stop Yo tout la ka kife chanta matnik Matnik de yon chekon an jok elastik Woman, woman Ti cigarette mwen An fon ke la la ka veye bet mwen Ma ko kapsyon sa pa ka aten mwen Woman Ti cigarette mwen An fon ke la la ka veye bet mwen Ma ko kapsyon sa pa ka aten mwen Woman Ti cigarette mwen Ti alimet mwen se ou ki pou mwen Woman Ti cigarette mwen Ti alimet mwen se ou ki pou mwen